L'Éternel règne et son nom est magnifique dans tout l'univers. À lui l'honneur, louange, puissance et gloire. Jéhovah est son nom, Dieu tout-puissant. Elohim, le Dieu créateur. Elolam, le Dieu d'éternité. Alléluia, alléluia. Digne-tu, Seigneur, reçois notre louange. Tá bom.